chapitre 6e, Odore d'Iphémina. Avant de se déshabiller, Paulin Broquet se mit à regarder, à étudier la fameuse bague au grand Z de rubis rouge qu'il avait mis sur la voie, qui lui avait indiqué la bonne piste, la bague qui fut remarquée par la petite danseuse Bianca. Il la tourna, retourna en tous sens, la mit sur un trébuchet pour en vérifier le poids, voir si elle était creuse. Il la fit sonner. Avec sa loupe, il chercha si elle ne contenait pas un secret, une ouverture cachée, s'il n'était pas en un mot truqué, ne renfermait pas soit une poudre, un liquide ou quelques documents sur papier pelure. La bague était bien pleine et ne comportait en fait de curiosité que le Z en rubis. Alors Paulin Broquet la serra dans un tiroir de son coffre-fort. Il tira ensuite d'une des poches de son habit le mouchoir pris dans la serrure chez le marquis. Il l'examina également avec la plus grande attention. C'était un mouchoir très joli, très fin, mais sans dentelle, qui pouvait appartenir aussi bien à une jeune femme qu'à un homme d'élégance raffinée. Ce mouchoir portait seulement dans un coin une couronne de marquis, pas d'initiale. Paulin Broquet le sentit longuement, le flaira, et chercha à reconnaître le parfum dont il était imprégné. « Ce parfum, dit-il, ce parfum je le connais. Je sais qu'il dégage, je l'ai déjà senti. » Pour assurer sa conviction, se donner à lui-même une preuve que dans un cas aussi subtil il ne se trompait pas, il revint à son coffre-fort et l'ouvrit de nouveau. Dans une cassette de fer hermétiquement fermée, il prit un petit ballot de papier de soie bien serré, bien roulé. Il le développa, en tira une casquette de drap, une de ces casquettes anglaises, plates, à visière basse, comme en portent les jeunes gens et quelques femmes en voyage. Cette casquette rappelait à Paulin Broquet une des heures les plus dramatiques de sa vie. Cette casquette avait été recueillie dans l'escalier de la maison de Zulma, quand le jeune homme mystérieux l'avait audacieusement arrachée à ses bourreaux, à la terrible condamnation de Zigomar, quand le jeune homme, en se sauvant, avait perdu cette casquette, et que cette casquette, en tombant, avait découvert une natte dorée. C'était la première apparition de cette femme étrange, dont le rôle demeurait incompréhensible pour le détective, de cette merveilleuse femme, qui, ne connaissant encore rien d'elle, Paulin Broquet et ses lieutenants, depuis, appelaient la femme rousse. Paulin Broquet approcha de ses narines, doucement, délicatement, comme une caresse, cette casquette de drap. Il la sentit, puis il sentit le mouchoir, il compara les parfums. Mais sans doute peu satisfait de cette étude, ne croyant pas ce soir la mener à bonne fin, il remit la casquette dans son papier de soie, la renferma dans le coffre-fort, puis il roula aussi le mouchoir dans d'autres papiers fins, et il le serra, lui, dans le secrétaire avec la bague aux aides de rubis. Enfin, tombant de sommeil, il gagna sa chambre à coucher et ne tarda pas à s'endormir profondément. Celui qui, en se couchant, se dit qu'il va bien dormir, a tort. Nul ne sait ce qu'il attend au lit, ce que lui réserve la nuit perfide, bon repos, rêve doré ou cauchemar et pénible insomnie. Paulin Broquet devait en faire la dure expérience. Il s'était, après tous ces événements, couché comme le jour commençait à mettre son mauve rosé sur les toits de Paris. Il s'endormit d'ailleurs presque aussitôt dans ses draps et profondément. Mais il dormait depuis 3 heures à peine lorsqu'un bruit soudain le réveilla. Quelqu'un marchait dans son bureau attenant à sa chambre à coucher, et ce quelqu'un venait de se heurter à un meuble. Paulin Broquet avait ce don heureux pour un détective de pouvoir dormir tout de suite, mais d'être aussi promptement tiré de son profond sommeil par un bruit même léger. Son valet de chambre, à cause de cela, avait ordre de ne faire l'appartement qu'après le réveil de son maître, quand il aurait été appelé. Très étonné d'être ainsi réveillé, Paulin Broquet, ne s'en rendant aucunement compte de l'heure qu'il devait être, et ne pouvant admettre que précisément ce matin où tant de repos lui était nécessaire, son valet de chambre se fut avisé de rompre avec la consigne habituelle, appela. On ne lui répondit pas. Il lui sembla même qu'on cherchait à fuir. Sauter hors de son lit, passer son pyjama fut pour le détective l'affaire de quelques secondes, et il sortait de sa chambre à coucher, pénétré dans son bureau, au moment où, par la porte d'en face, donnant sur le couloir, la silhouette d'un homme qu'il ne reconnut pas s'éclipsait. Instinctivement, Paulin Broquet bondit sur cet individu, sur cet intrus. Il le rejoignit dans le couloir menant à la porte de sortie et lui fit une prise de lutte japonaise à laquelle rares sont les personnes qui peuvent échapper. Paulin Broquet eut la grande surprise de sentir que sa prise infaillible était admirablement parée, et il dut lui-même parer la prise qui lui fut faite en riposte. Alors une lutte violente s'engagea, silencieusement, dans la nuit du corridor, entre lui et l'individu qu'il venait de surprendre. Paulin Broquet se vit obligé d'employer sa force, d'ailleurs très grande, sa science de lutteur poussée au plus haut degré, de combattre désespérément pour n'avoir pas le dessous, pour ne pas être vaincu dans ce duel vraiment extraordinaire. Et tout en combattant, Paulin Broquet sentait se dégager de son redoutable adversaire un parfum subtil et délicieux, ce parfum à la fois acidulé, poivré et doux, dont était imprégnée la casquette ramassée chez Madame Zulma. Ce parfum enfin que répandait également le fin mouchoir trouvé engagé dans la serrure du marquis de Torre Alta. Paulin Broquet se mit donc à lutter d'autant plus énergiquement qu'il voulait savoir maintenant, et pour de multiples raisons, qui était cet adversaire énigmatique et pourquoi il se trouvait aussi souvent sur ses pas. Mais il avait affaire à un adversaire connaissant tous les coups de lutte, voire les plus secrets, ceux qui mettent à coup sûr un homme hors de combat, ceux mêmes qui peuvent donner la mort. Les prises étaient parées et lui-même avait grand mal à se dégager, à reprendre l'offensive. Le combat pouvait se prolonger ainsi pendant longtemps, silencieux, terrible, extrêmement dramatique. Alors Paulin Broquet voulut en finir. Au cours de la lutte, il avait déchiré les manches de son adversaire et mis à nu ses épaules. Dans un mouvement que fit ce dernier à terre pour échapper à une prise nouvelle, les mains du détective rencontrées à la gorge, abondantes, fermes, admirables de forme. Paulin Broquet ne put s'y tromper, son adversaire était une femme. C'était une femme qui, malgré elle, à ce moment, malgré sa volonté de se taire, poussa un long cri de pudeur, de surprise et de douleur. Chevaleresque, Paulin Broquet cessa immédiatement le combat. Il ouvrit les bras, s'abandonna complètement à cet adversaire redoutable. La femme, si forte, si habile, l'avait ainsi à sa merci. Elle aurait pu le vaincre et lui faire une clé terrible. Mais elle se dégagea promptement des bras du détective. Dans l'ombre, elle chercha sa main. Elle la serra fortement. Puis, d'un bond, elle se releva et d'un saut se précipita hors du corridor, dans l'escalier. Paulin Broquet alors se releva. Il courut à l'escalier, il écouta, mais il ne perçut ni le bruit d'un pas se hâtant de descendre, ni le froufrou d'une robe. Il alla se poster à la croisée de la rue Rodier où se trouvait la porte d'entrée de la maison, et pendant plus d'un quart d'heure il attendit sans voir personne sortir. Alors il revint dans le couloir, théâtre de la lutte singulière. Il donna de la lumière. Sur le tapis il trouva un mouchoir. Un mouchoir qu'ornait dans un coin une couronne de marquis et qui répandait le parfum étrangement exquis. Paulin Broquet ramassa délicatement ce mouchoir et le regarda, le sentit, l'étudia. Puis, une pensée traversant son esprit, une inquiétude soudaine lui venant, il pénétra dans son cabinet de travail. Ayant allumé les lampes électriques, il se dirigea vers son coffre-fort et l'ouvrit vivement. Sur le rayon se trouvait la cassette de fer. Il l'ouvrit, et aussitôt poussa un cri de surprise. La cassette était vide. La casquette qui avait été ramassée dans la maison de Zulma ne s'y trouvait plus. On avait enlevé la casquette qui retenait les cheveux dorés de son étrange sauveteur. Pourquoi ? Se demanda-t-il. Paulin Broquet, instinctivement, ouvrit ensuite le tiroir dans lequel tout à l'heure il avait placé la bague aux ailes de rubis. La bague également avait été enlevée. Paulin Broquet ne se mettait jamais en colère. Et au plus fort d'une déception, il surmontait l'amertume du moment. « Allons, » fit-il en refermant son coffre-fort, « une femme est mêlée à tout cela. Voilà ce qui me reste, un mouchoir parfumé. » Le détective plaça le mouchoir harmonier qui sentait si bon dans le tiroir où tout à l'heure se trouvait la bague accusatrice et il ferma le coffre-fort. Il retourna dans la chambre à coucher, se jeta sur son lit, appela le sommeil. Mais il est rare qu'une nuit mal commencée finisse bien. Paulin Broquet dormait à peine depuis quelques instants que la sonnerie d'appel de son téléphone se mit à résonner éperdument. « Je dormirai une autre fois, » fit-il philosophiquement. Il se leva paisiblement et vint dans son bureau où se trouva l'appareil dont il décrocha aussitôt les cornets. « Allô ? Oui, c'est moi, Paulin Broquet. »« Oui, moi-même. Qui me parle ?» Et le dialogue suivant commença. « Qui me parle ?» redemanda Paulin Broquet. Reconnaissez-vous ma voix ? Demanda la personne qui se trouvait à l'autre bout du fil. Non. Alors peu importe que vous sachiez qui je suis, vous ne me connaissez pas. Or, pour ce que j'ai à vous dire, il est inutile que vous sachiez qui je suis. Cependant, je ne réponds jamais quand je ne sais pas à qui j'ai affaire. Vous n'avez pas à répondre, d'ailleurs, mais seulement à écouter. » Et promptement, la voix ajouta, pour retenir le détective qui pouvait accrocher son appareil et ne plus écouter, « Il s'agit de Bianca. »« Bianca ?» fit Paulin Broquet. « La danseuse du cirque moderne. »« Oui. »« Ah, vous m'écoutez. »« Bon. » Illustre et habile Paulin Broquet, vous avez arrêté le voleur des bijoux de Rosa et de Mécédon, l'assassin de la malheureuse bretonne. Comment savez-vous que l'on a arrêté cet homme? Qu'importe. Ne perdons pas de temps en paroles inutiles. Vous n'avez pas fait le meilleur de votre tâche. Levez-vous. Vous avez assez dormi pour aujourd'hui. Il va être 8 heures du matin. Il faut aller tout de suite, place Clichy. Pourquoi, place Clichy? Parce qu'il va y avoir un accident de tramway, d'autobus ou d'automobile. Comment savez-vous cela? Comme le pompier de Madame Frisette savait qu'il y avait des plombs fondus avant le court-circuit. Paulin Broquet sursauta. Écoutez-moi, dit la voix. Bianca demeure une Olay. Elle descend au cirque pour la leçon de danse vers 9 heures. Elle va prendre l'autobus place Clichy. C'est donc place Clichy que l'accident va se produire. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que Bianca a déclaré qu'elle reconnaîtrait le pompier à la bague de rubis. Parce que cet après-midi, le juge d'instruction mettra en présence Bianca et l'homme que vous avez arrêté. Oh, c'est pour empêcher la confrontation que cette pauvre Bianca, mais c'est odieux. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Ce fut tout ce que dit l'inconnu qui coupa la communication. Paulin Broquet, fortement intrigué, appuya sur un bouton électrique qui communiquait avec les 2 appartements de ses lieutenants, puis il passa dans sa chambre à coucher pour se vêtir. Il y entrait à peine que ses 2 lieutenants, Gabriel et Lamorce, apparaissaient déjà habillés et prêts à partir. « Voilà, chef, » dirent-ils simplement. Paulin Broquet s'étonna de les trouver ainsi déjà équipés. « On vous a donc prévenu ?»« Oui, chef. »« Qui ?»« Nous ne savons. » »« Une voix que nous n'avons pas reconnue. » »« Une voix grave, mais douce cependant, comme une voix de femme. »« Bien, bien, » fit le détective. En quelques secondes, il fut prêt lui aussi. Paulin Broquet et ses lieutenants descendirent. Devant la porte, ils trouvèrent ma pipe, qui, en chauffeur, attendait son chef avec une auto. « On t'a aussi prévenu ?» lui demanda Paulin Broquet. « Oui, chef, de votre part. Me voilà. Je sais où je dois vous conduire, entre la rue Nollet et la place Clichy. »« Bon, » fit le détective, sautant de l'auto. « Filons. » Ma pipe démarra aussi vite que possible. Il prit par la rue Condorcet et la rue Victor Massé, qui, macadamisée, formait un admirable terrain pour rouler, et s'engagea dans la rue de Douai, terminant ces 2 rues en ligne droite, et il déboucha place Clichy quelques instants après. Comme l'auto traversait la place, Paulin Broquet et ses lieutenants aperçurent à l'autre bout, vers la rue Biot, qui donne presque dans la rue Nollet, un grand rassemblement. Un serrement de cœur étreignit les 3 hommes. Quand l'auto, habilement conduite par Mapip, arriva auprès du rassemblement, Paulin Broquet sauta à terre avec ses lieutenants et entra dans la foule. Il y avait là des ouvriers, des ouvrières, des marchandes de fleurs, des employés, des gens qui se rendaient à leur travail, à leur bureau, à leur magasin, et des agents qui parlementaient avec un conducteur d'autobus. De cette foule nerveuse montaient des cris d'indignation, des explications, des vociférations, des mots de pitié, d'horreur. Puis, au milieu de ce cercle de gens affolés, émus, une jeune femme à genoux se penchait sur le corps affreusement broyé d'une jeune fille. Paulin Broquet, ses lieutenants, bousculant les curieux, s'approchèrent de la jeune femme. Ils eurent le même cri d'étonnement. « Miss Hayden !» Et Miss Hayden, leur montrant le cadavre, leur dit simplement « Trop tard. Voilà Bianca !»